Saca. Hey yo Chico, de Paris à Mexico. Let's get it. Oh mamacita, Zaga. Nostalgique, je me rappelle de tout ça comme si c'était hier. Oh mamacita, oh mamacita. Il me regarde comme une étoile ou un nouveau mec. Mais dis-leur que j'ai pas changé. Non non non non. Dis-leur que j'ai pas changé, yeah. Ah, hier je passais incognito. Ouais, j'avoue. Aujourd'hui tu demandes un selfie. Par la peau, de loin je te vois venir à petits pas. Ouais, tu me tiens du front, on se connaît même pas. Oh, non. Son numéro elle me donne à. Alors qu'hier l'heure elle me donnait même pas. Allô. Ma main, je te l'ai déjà dit. Oui. C'est ma vie qui a changé, c'est pas moi. Oui, j'ai vini Vici, pas d'ami-ami. Un vol, on part à Miami. Ah, dans un gros fer, je vais rouler. Victoire, j'ai trouvé, du sale, c'est prouvé. Dans le carré, c'est un spectacle. Toi en l'air, pull-up, selecta. Hey, good morning, souhaite-nous longue vie. Chèque, tu nous en vie. Zaga. Nostalgique, je me rappelle de tout ça comme si c'était hier. Oh, mamacita, oh, mamacita. Et il regarde comme une étoile ou un nouveau mec. Mais dis-leur que j'ai pas changé. Non, non, non, non. Dis-leur que j'ai pas changé, yeah. Ooh, on est back in the hood. Quelques jaloux font les fous. Bye. Tu me dévisages pendant que tu fumes ton œuf doux. Mais ta copine me fait les yeux doux. Ah. Tout va bien, je suis dans mon secteur. Bleu. On est sectaire, sors du club à 7h. Oh, ce genre de situation me laisse sans voix. Chic. Attends, je t'explique. Vas-y, raconte. Y'a cette michto qui aimerait élever mon mort. Quoi, d'autres bâtards qui jacassent s'en fasse pas un mot. Wow. T'es capable de mentir pour partir jambes en l'air. Concert, je fais un hold up, tout le monde les mains en l'air. Hein. Ouais, les vrais, on les sélectionne. Oui. Je vais chier la concu, je leur achète du smack là. Oh, avec l'équipe, on est peinard. Peinard. Oh, mamacita. Zaga. Nostalgique, je me rappelle de tout ça comme si c'était hier. Oh, mamacita. Oh, mamacita. Et il regarde comme une étoile ou un nouveau mec. Mais dis-leur que j'ai pas changé. Non, non, non, non. Dis-leur que j'ai pas changé, yeah. Mamacita, c'est leur regard qui a changé, c'est pas moi. Ma veste est irréversible, tu m'aimes. Ma veste est irréversible, tu m'aimes, comprends-moi. Mamacita, c'est leur regard qui a changé, c'est pas moi. Ma veste est irréversible, tu m'aimes. Ma veste est irréversible, je suis le même. Oh, yeah. Mamacita. Zaga. Nostalgique, je me rappelle de tout ça comme si c'était hier. Oh, mamacita. Oh, mamacita. Et il regarde comme une étoile ou un nouveau mec. Mais dis-leur que j'ai pas changé. Non, non, non, non. Dis-leur que j'ai pas changé, yeah. Mamacita, c'est leur regard qui a changé. C'est pas moi. Ma veste est irréversible. Tu m'aimes. Ma veste est irréversible. Tu m'aimes. Comprends-moi. Mamacita, c'est leur regard qui a changé. C'est pas moi. Ma veste est irréversible. Tu m'aimes. Ma veste est irréversible. Je suis le même.